pernicieuse, ont la fâcheuse tendance à nous manipuler par leurs gros chagrins simulés et par leurs pleurs à la saveur acidulée. Les pleurnicheuses sont mystérieuses, ésotériques sont les motifs qui les rendent tant excessives. Pire que les dames, aiment les drames et impensifs. Du jet lacrymal, sans penser à mal, elles ont fait leur meilleure arme. Et nous les toutous, on est prêts à tout pour faire cesser ce triste larme. Les pleurnicheuses sont bien curieuses, elles scrutent avec attention la moindre de nos réactions. Malgré les gouttes salées qui floutent leur vision, pleurnicheuses sont des truqueuses, rompues aux larmes de crocodiles. Je crois bien qu'il est inutile de chercher les raisons de ces crises futiles. Du jet lacrymal, sans penser à mal, elles ont fait leur meilleure arme. Et nous les toutous, on est prêts à tout pour faire cesser ce triste larme. Les pleurnicheuses, ah, quelles emmerdeuses, elles nous agacent, elles nous ennuient, bien plus qu'un robinet qui fuit. Avec notre air, pas savoir-faire, on les réjouit. Les pleurnicheuses sont monstrueuses, exercent un chantage affectif d'un sanglot long et persuasif. Tout ça ponctué, petit hoquet, c'est inventif. Lacrymal, sans penser à mal, elles ont fait leur meilleure arme. Et nous les toutous, on est prêts à tout pour faire cesser ce triste larme. On est prêts à tout, on n'est pas fous. On sait que ça ne dure pas longtemps, qu'après la pluie vient le beau temps. Fin du chagrin, voilà le câlin réconfortant.